un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll s'entretient avec Jean d'Ormesson, une émission enregistrée en 2014. À voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Ce soir, la gloire des lettres. On le présente comme l'écrivain du bonheur, mais c'est oublier que pour lui aussi, il y a eu des fêtes en larmes. Comme en témoigne son dernier livre, « Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit », chez Robert Laffont. Un de ses livres dont il a le secret entre traité de vie et contes facétieux. Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. En 1956, à l'âge de 31 ans, vous publiez enfin votre premier roman, « L'amour est un plaisir ». 2 ans après le « Bonjour tristesse » de Sagan, qui elle était encore âgée de 19 ans, est-ce qu'on peut vous considérer comme un écrivain tardif, comme il y a des vendanges tardives ? Comment ? Bien sûr. J'écris mon premier livre à 30 et quelques années. Et auparavant, rien, absolument rien. 17 ans, rien. 18 ans, rien. Quand je suis normal, je crois que j'avais tellement travaillé en Hippocagne et en Cagne, j'ai essayé de faire croire que je ne travaillais pas. En réalité, j'ai travaillé énormément. Je suis arrivé épuisé à l'école normale. Et je crois que j'ai passé ces 3 ans de l'école normale. C'était en 45. C'était l'époque où arrivaient notamment les films américains. Les gens que j'ai tellement aimés, les Lubitsch, les Capra, les Bogart, Lorin Bacall, j'allais au cinéma. Je crois que pendant 2 ans, j'ai été 2 fois par jour ou 3 fois par jour au cinéma. Et l'idée d'écrire un livre ne me passait pas par la tête jusqu'au moment où... Pourquoi est-ce que j'ai écrit mon premier livre ? Je vais vous le dire, pour plaire à une fille. Et malheureusement, je crois qu'elle préférait les joueurs de tennis et les coureurs automobiles. Ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Et j'ai eu ce premier livre s'appelait « L'amour est un plaisir ». C'était un peu un oxymore. C'est-à-dire une contradiction. L'amour est un plaisir, l'honneur est un devoir. Et derrière cette gaieté, il y avait déjà cette espèce d'inquiétude. Enfin, j'avais ce manuscrit, et qu'est-ce que j'ai fait ? Et ça, c'est quand même une leçon. Je reçois maintenant beaucoup de lettres de jeunes gens qui disent « Est-ce que vous pouvez m'appuyer pour mon manuscrit ?» La littérature, c'est pas le monde politique, il faut pas de recommandations. Les recommandations, on a beau le dire aux débutants, les recommandations ne comptent pas. Elles sont jetées à la corbeille. Et mon premier manuscrit, je ne l'ai pas envoyé par la poste parce que j'habitais rue du Bac, et je l'ai été déposé à la demoiselle du téléphone, chez Gallimard. Et évidemment, j'étais un peu suffisant quand même. J'ai attendu 15 jours ou 3 semaines et j'étais étonné de ne pas avoir de réponse de Gallimard. Et après, des années après, j'étais au comité de lecteurs de Gallimard. Je sais qu'il faut attendre 2 mois, 3 mois. Moi, au bout de 3 semaines, j'ai pris le double du manuscrit et je travaillais donc à l'UNESCO. On travaillait le samedi à cette époque-là. Le samedi soir, j'ai déposé le double de mon manuscrit 34 rue de l'Université, en face de Gallimard, chez Julliard. Il était 7h30 du soir. Je l'ai laissé chez la dame du téléphone. Le lendemain matin, dimanche, le téléphone sonne à 7h moins le quart. chez mes parents. C'était pas tellement content que le téléphone sonne à 7h15. René Julliard me téléphone, ça a été un coup, il me dit, vous avez écrit un chef-d'œuvre. Je crois me rappeler qu'il m'a dit, c'est mieux que Sagan. C'est mieux que Sagan. Venez signer le contrat. Normalement, je me suis précipité, j'ai signé le contrat. Et ce chef-d'œuvre, il m'a dit, ça va être formidable, ça va être un triomphe. Ça n'a pas été un triomphe. Ça a été un semi-succès, un semi-échec. Et ce qui étonnait, pour aller vite, ce qui étonnait le plus Julliard, il m'a dit, écoutez, il y a quelque chose d'embêtant, c'est qu'on comptait beaucoup sur le Figaro. J'avais un oncle qui s'appelait Vladimir, qui écrivait régulièrement au Figaro. Ouais. Et le Figaro ne parle pas de votre livre. J'ai dit, non, le Figaro ne parle pas de mon livre. Je suis sur la liste noire du Figaro, on ne parle pas de mon livre dans le Figaro. Ça n'a pas fait de bien au livre. Et puis, le livre était probablement moins bien que Sagan. Ça a marché, mais pas tellement bien, pas tellement bien. J'en ai écrit un second qui s'appelait Un amour pour rien. J'en ai écrit un troisième qui s'appelait encouragé par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Christian Bourgois, qui avait trouvé le titre qui s'appelait « Du côté de chez Jean ». Et j'en ai écrit un quatrième. J'en ai écrit un qui était un tout petit peu pornographique, comme ça, qui s'appelait « Les illusions de la mer », qui a beaucoup choqué Paul Morand. Et j'en ai écrit un cinquième qui était bien meilleur, qui s'appelait « Au revoir et merci ». Et Au revoir et merci, qui est un assez joli livre, si j'ose dire, et qui n'a pas eu beaucoup de succès, et qui était, franchement, c'est vrai, un adieu à la littérature. Je renonçais à la littérature qui ne m'avait pas donné ce que j'en espérais. Le succès ? J'avais connu, quoi, des demi-succès. Qu'est-ce que c'est ? Mais des filles, quand même ? Oh, très peu. C'est vrai ? Oh, très peu. Très peu. Comme je vous dis, celle auxquelles je m'intéressais préférait les coureurs automobiles, elle avait raison. C'était pas des échecs terribles, je pense qu'il tirait à 10 000 ou 12 000, quelque chose comme ça, ce qui aujourd'hui serait déjà pas mal. Et donc je rentre à l'UNESCO et j'étais assez heureux à l'UNESCO, j'ai rencontré des gens merveilleux, j'étais lié avec Cortazar, j'étais lié à Cheikhanta Diop, j'étais lié avec beaucoup d'Africains. C'était un travail d'attaché culturel international. Et on aidait. J'avais un budget $1 million qui dépend pratiquement de moi. Et un jour, on m'a proposé un projet d'atlas linguistique de la Chine qui était fait par des Chinois. Et naturellement, moi, j'avais aucune compétence, mais je m'adressais aux gens compétents. Il y a des sinologues en France qui m'ont dit c'est un projet très intéressant. Et j'aurais accordé $10 000 ou $15 000 sur mon $1 million. Et j'ai été appelé par le directeur général qui m'a dit, dites donc, Dormesson, vous vous prenez pour qui ? La Chine n'est pas dans les Nations Unies. La Chine n'est pas dans les Nations Unies. Et vous donnez à la Chine communiste de l'argent des Nations Unies, je devrais vous saquer. Et c'est intéressant parce que 2 ans après, la Chine est entrée aux Nations Unies. Et les Chinois arrivant à l'UNESCO ont dit au directeur général, il y a quelqu'un qu'on aimerait bien voir, c'est M. Dormesson qui nous a aidés. Alors le directeur général, il était étonné. Voilà mes aventures. Et je me suis dit, ces gens, ces savants, ce monde de la culture, ça ferait un roman extraordinaire. Ça ferait un roman des sciences humaines. Et j'ai écrit le roman des sciences humaines. J'ai écrit un livre que j'ai appelé « La gloire de l'Empire », qui avait 800 pages, qui était une espèce de canular, qui racontait un empire. Votre premier grand succès. Je m'en dormais en le lisant, tellement je m'ennuyais quelquefois. Et à ce moment-là, j'étais lié avec Kaiwa. J'étais l'adjoint de Kaiwa à la revue Diogène. Oui. Et Kaiwa était influent chez Gallimard. Et il m'a dit, donnez-moi le manuscrit, je vais le soumettre au comité de lecture. Et au comité de lecture, il y avait quelqu'un que j'ignorais complètement, qui s'appelait Michel Mort, qui a lu le livre, qui a fait un rapport très favorable. Le livre a été publié. Et je crois me rappeler qu'il a fait 300 000 exemplaires. Il y a eu un article de quelqu'un que j'ai admiré à la folie, qui s'appelait Jacques Le Goff, qui a écrit un article dans le Nouvel Observateur, et je me rappelle que l'article s'appelait « Un livre pionnier ». J'avais inventé quelque chose qui s'appelait « L'histoire-fiction ». Et il courait le bruit que la femme d'un ministre avait dit « Ah, c'est bien intéressant cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres livres sur cette époque ?» Et tout était entièrement inventé. Enfin, c'était entièrement inventé avec des canulars comme ça. Il y avait par exemple, à la page 480, je dis « Le plus grand historien » de l'Empire dit quelque part, en note la loi de l'Empire, page 480, la note renvoyée à elle-même. Bon, c'était des canulars comme ça, avec quelques erreurs. J'ai eu des coups de téléphone de professeur au Collège de France. Je racontais que l'armée romaine, les généraux mangeaient, ce qui est exact, des vulves de cochon et des crêtes de coq, et que les soldats mangeaient de la bouillie de maïs. Malheureusement, le maïs n'arrive en Europe qu'avec Christophe Colomb, c'est-à-dire 1500 ans plus tard. Alors, c'était un peu ridicule. Enfin, ça a été un grand succès. Et à partir de ce moment-là, tous mes livres ont à peu près marché, plus ou moins bien. Mais ça vous a surpris, ce succès ? Ah oui, ça m'a énormément. Nous sommes alors en 1971. C'est en quelle année ? En 1971. En 1971, c'est ça. Vous voyez, le temps avait passé déjà, puisque mes premiers livres sont en 1954. 20 ans avaient passé, et il a fallu 20 ans pour atteindre à ce livre. Et alors, après, j'ai écrit un autre livre, qui est l'histoire de ma famille, mais une histoire romancée de ma famille, qui s'appelle « Au plaisir de Dieu ». Et je me suis inspiré de ma famille. Mais enfin, dans mon livre, il y a quand même énormément de fous, de gens bizarres, d'acteurs, d'aventuriers, d'homosexuels, peut-être d'assassins. Tout ça est un peu inventé. Mais alors, néanmoins, dès vos premiers livres, vous avez abattu votre jeu, le décor est campé. Ça va se passer quand même chez les heureux du monde. Il n'y a pas de smicard dans vos romans, oui, quasiment. Oui, c'est vrai que ça se passe évidemment dans une vieille famille. Ça commence, je crois que la première phrase était « J'ai vécu dans un monde qui regardait en arrière. » J'avais les cartes toutes. Et alors, c'est amusant parce que je signe un jour, je me rappelle, j'étais au salon du livre, et il y a une dame qui arrive et qui dit « Ah, oh, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai été un peu surpris parce que vous parlez toute votre famille, mais j'ai connu votre famille, vous avez un nom qui s'appelait Vladimir, et je ne l'ai pas retrouvé dans votre livre. » Et je lui ai dit « Écoutez, madame, je vais vous dire la vérité, ce livre est plein de souvenirs, mais c'est un roman. » Beaucoup de choses sont inventées. Et la dame m'a répondu, inventées ? Moi qui croyais que vous aviez tant de talent. L'idée que si on invente, c'est moins bien que... Il y a la fameuse phrase de Proust, l'état d'esprit où on l'observe est tellement inférieur à l'état d'esprit où on invente. Et alors je vais vous faire une autre citation, Jean d'Ormesson. Elle est de Byron. Toute invention... est un talent de menteur. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous croyez à ça ? Vous êtes d'accord avec lui ? Bien sûr. Vous savez, j'ai énormément brouillé les cartes. C'est une formule encore d'Aragon, mais j'ai brouillé les cartes. Je finis par ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et même en ce moment où je vous raconte ma vie, je me dis, ce sont des souvenirs. Est-ce que je ne réinvente pas un peu ces souvenirs ? Quand je vous parle de la Cagne, quand je vous parle de mon enfance en Allemagne, est-ce que ce sont vraiment des souvenirs ou est-ce que je réinvente un peu tout ça ? Mais est-ce que cette manière aussi de parler, cette parole chez vous, oui, généreuse, n'est pas une manière de vous protéger et de ne rien dire de vous ? Alors, j'ai toujours dit, par exemple, sur ma vie sentimentale, il y a deux façons de ne pas en parler. La première, c'est de se taire. La deuxième, et c'est celle que j'ai adoptée, c'est d'en parler tout le temps, mais de ne pas en dire grand-chose. Et en effet, mes autofictions, l'invention est tellement mêlée à la réalité que je ne sais plus très bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais il paraît qu'un des grands bonheurs dans votre vie, c'est de vous promener tout nu au bord de la mer, de la Méditerranée. Écoutez, de nager. C'est vrai. De prendre le soleil. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir une maison à Saint-Florent. Et la Corse est évidemment la plus belle île de la Méditerranée. J'ai adoré la Méditerranée, j'ai aimé toute la Méditerranée, j'ai aimé l'Italie à la folie, j'ai aimé la Grèce beaucoup, j'ai aimé l'Égypte, j'ai aimé la Syrie, je dois vous dire, beaucoup aussi. Et maintenant, la Corse est d'une telle beauté que... Et souvent, j'écrivais sur la terrasse de cette maison, au bord de la mer, en maillot de bain, puis je me baignais, et quelquefois, je traversais un bout de mer et j'arrivais de l'autre côté à terre. Mais je me baigne souvent tout nu et pour revenir à la maison à pied, je revenais à travers le maquis, en effet, je crois tout nu. Et de temps en temps, je rencontrais des gens et je ne suis pas exhibitionniste. Alors je me cachais, je me faisais mal dans le maquis parce que ça pique. Mais c'est vrai que je me promenais quelquefois tout nu. Maintenant, j'ai renoncé à mon âge, j'ai renoncé. Je mets des maillots de bain. Cette manière de célébrer le soleil, l'amour, les femmes, est-ce que ce n'était pas le comble de la provocation quand vous avez fait vos débuts en littérature, où, à l'époque où régnait Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, l'obligation de l'engagement, alors que vous, vous êtes le plus désengagé des... C'est intéressant, parce que je suis passé entre les gouttes de l'existentialisme. J'aurais pu rencontrer Sartre. J'étais très très lié avec Lefort, qui était très lié avec Sartre. Maintenant, j'ai un ami que j'aime tendrement, qui est Claude Lanzmann. Je suis très très lié à Claude Lanzmann, qui a écrit un chef-d'œuvre, Le Lièvre de Patagonie. C'est magnifique, c'est magnifique. Il a aussi écrit La Shoah, c'est quelque chose. Et donc, j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration pour Claude Lanzmann. Mais à l'époque, Claude Lanzmann était, que je ne le connaissais pas, il était intime de Sartre, je n'ai jamais rencontré Sartre. Je crois que Simone de Beauvoir dit quelque part qu'elle a pris un café avec moi. Je n'en ai aucun souvenir. En tout cas, le nouveau roman, le roman existentialiste, le surréalisme que j'ai beaucoup admiré, tout ça, je n'ai connu personne. De temps en temps, je me dis, je n'ai connu personne. Je n'ai pas connu Gide, je n'ai pas connu Sartre, je n'ai pas connu Camus, j'aurais pu connaître. Et puis je me dis, mais j'ai connu assez bien ou très bien Paul Valéry, Paul Morand, Aragon, j'en ai connu pas mal, Queneau, que j'ai adoré Queneau. Et on était tous les deux au comité de lecture de Gallimard et il habitait Neuilly. Donc tous les mardis, je le ramenais à Neuilly. Et je me suis beaucoup lié avec Queneau, qui était un homme merveilleux. Vous parliez de Morand, c'était un de vos parrains en littérature. J'ai beaucoup aimé Morand. C'est très intéressant parce que là où vous êtes assis en ce moment, il est venu 20 fois ici, là. Et j'étais très lié avec lui et souvent il venait dîner ici. Je me rappelle un soir, il venait dîner ici. Il était vieux déjà, il avait mon âge maintenant. Et il sautait dans sa voiture et il partait pour Trieste, sur la tombe de sa femme, dans la nuit. Vous sentiez proche des Hussards, les Nimiers, Blondin ? Non, pas très. Parce que vous aviez fait signer Blondin dans le Figaro, je crois. Oui, je les aimais beaucoup. Je trouvais ça très bien. J'ai adoré Blondin. Je le connaissais assez peu. Il est venu ici plusieurs fois. Et les histoires de Blondin, j'en suis fou. Vous connaissez l'histoire du dîner. Il faut que je le raconte. Françoise... Sa femme. Sa femme fait un dîner. Et Blondin n'est pas là à 7h30, 8h, il n'est pas là. À 8h30, les invités arrivent, il n'est pas là. On attend jusqu'à 9h30, on se met à table, il n'est pas là. Les invités partent à 11h, il n'est pas là. Et il rentre à 3h du matin. Et François, sa femme, lui dit, Antoine, c'est moche de ta part que tu ne sois pas venu. Bon, je sais comment tu es. Tu aurais pu donner un coup de téléphone. Et Blondin, ivre mort, lui répond, j'ai essayé de t'appeler, mais j'ai pas pu, j'ai pas trouvé un seul bistrot fermé. C'est pas formidable. J'ai pas trouvé un seul bistrot fermé. Alors, il y a une autre date importante pour vous après 1971, hein, le succès de la gloire de l'Empire. Octobre 73, votre élection à l'Académie française. C'était pour faire plaisir à vos parents que vous êtes porté candidat. C'était une école, une grande école, un concours qu'il fallait réussir. C'est la formule que j'ai employée. J'ai dit, je me suis présenté pour faire plaisir à ma mère. C'est un peu vrai. Écoutez, personne ne m'a obligé d'aller à l'académie. On m'a pas noté pour aller à l'académie. J'ai été à l'académie parce que j'étais content d'y aller et je suis très content et très fier d'être à l'académie où j'ai des amis que j'admire, que j'aime beaucoup, très nombreux. Je ne vais pas vous donner des noms, enfin je peux en donner quelques-uns. Je suis très lié avec Déon, je suis très lié avec Orsena, je suis très lié avec Pierre Nora, je suis intime avec Fumaroli, que j'admire beaucoup. Beaucoup, tous sont des amis. Hélène Caerdanco, c'est une amie merveilleuse que j'aime profondément. Et l'Académie, c'est une société d'amis, c'est presque une famille. Et quand j'ai été malade, vous savez, j'étais touché de l'amitié. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas connu du grand public, mais qui est un homme merveilleux, qui est François Cheng, qui est chinois à l'origine, comme vous savez, qui est un grand poète. Et quand je vais à l'Académie, j'étais assis entre, à la droite, là, j'avais Jacqueline de Romilly, à gauche, j'avais Claude Lévi-Strauss. Enfin, quand même, c'était des gens pour qui j'ai une affection et une admiration sans borne. Maintenant, il y a 73, il y a 40 ans que je suis à l'Académie. 40 ans. Je me rappelle que je me moquais un peu de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était Jacques de la Cretelle, qui disait qu'il avait passé plus de temps à l'Académie que hors de l'Académie. C'est ce qui me guette. J'aurais passé plus de temps à l'Académie qu'hors de l'Académie. Alors, vous savez... Je vais vous lire, Jean d'Ormesson, la description que Mathieu Gallet, dans son journal, a fait de la réception que vous avez donnée au château d'Ormesson pour la remise de votre prix. Elle est terrible. Oh mon Dieu. La fête était somptueusement anachronique. Des foules de jeunes gens à costumes rayés, toute l'académie, des rôles sans pagaille, des chauffeurs, un balai de carrosse comme au bon vieux temps. Au lendemain de la victoire giscardienne, c'était la première sortie des nantis après l'angoisse. Vous trouvez dans cette description ? Oui, c'est vrai. nous parlions des riches dans vos romans, autour de vous. Est-ce que les riches sont si différents ? Est-ce que ce sont vraiment des gens à part ? J'ai écrit un livre qui s'appelait « Du côté de chez Jean », où je parle de l'argent. Je ne renie rien de ce que j'ai écrit, mais quelquefois, je n'écrirais pas la même chose. Ce qu'il y avait quand je parlais de l'argent, c'est que je prétendais que c'est très bien de mépriser l'argent quand on en a. Mais quand on n'en a pas, on ne méprise pas l'argent. Et ma formule était, l'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Et ce qu'on m'a, accusé de cynisme à l'égard de l'argent, je prétendais que c'est une fausse élégance de dire je suis au-dessus de l'argent, je méprise ça. C'est très facile quand on en a de le mépriser. Mais quand on n'en a pas, on ne peut pas le mépriser. Et maintenant, je n'attache pas beaucoup d'importance à l'argent. J'ai gagné de l'argent avec mes livres. Et franchement, je suis sur le point de m'en débarrasser le plus possible, de le faire passer à mes enfants ou mes petits-enfants. Et probablement, j'ai été trop fasciné, peut-être, par l'argent. Parce que je me disais, quand on est malheureux, il vaut mieux avoir de l'argent, vous savez. Ceux qui n'ont... Quand j'ai été malade, j'ai vu des gens autour de moi qui n'avaient pas d'argent. Non seulement ils n'avaient pas d'argent, mais le monde leur échappait. Vous savez, le système hospitalier français est un système merveilleux. Un système merveilleux qui est fragile. L'école aussi était merveilleuse en France. Quand j'étais jeune, il y avait des gens qui partaient pour l'Amérique faire des études. C'était ceux qui n'étaient pas capables d'en faire en France. C'était les gens qui avaient de l'argent, qui étaient nuls et qui n'arrivaient pas à suivre le programme français. On les envoyait à l'Amérique. Et maintenant, c'est le contraire. C'est les jeunes gens brillants qui partent pour l'Amérique. Et bien, de la même façon, le système hospitalier français est un système formidable. Et on voit comme c'est dur pour les gens qui non seulement n'ont pas d'argent, mais qui ne savent pas. Il faut remplir les papiers, il faut savoir comment faire. C'est très compliqué tout ça. Et j'ai dit dans une interview que cette maladie que j'avais eue, je ne m'avais pas fait renier mes idées politiques, mais que j'en étais sorti socialement d'extrême gauche, en disant ce qu'il faut d'abord, c'est aider les plus pauvres, aider ceux qui n'ont pas d'argent et pour qui l'argent compte beaucoup. Et si je voudrais me battre pour quelque chose, c'est évidemment pour l'égalité des chances. L'inégalité des chances au départ, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre. Il faut donner le plus de chances possible à tout le monde. Vous savez, la fameuse formule un peu bien pensante, c'est Mozart qu'on assassine. Je suis sûr qu'il y a des talents formidables chez des gens qui simplement ne peuvent pas, faute de moyens, les exprimer. Et ça, c'est cette idée que j'ai fondamentalement de l'égalité des gens. Il faut travailler à l'égalité des chances. Est-ce que vous pensez que si vous étiez né dans une famille d'ouvriers, vous seriez devenu écrivain? Mais probablement pas. Probablement pas. Et il y a deux choses qui nous ramènent à l'égalité, c'est la naissance. Mais dès la naissance, les conditions sont tellement différentes. Et puis il y a quelque chose qui nous ramène à l'égalité, c'est la mort. Naturellement, il y a des gens qui meurent dans des draps de soie, il y a des gens qui meurent dans la rue, mais enfin, tout le monde finit par mourir, et c'est cette leçon-là, nous sommes tous égaux, nous sommes égaux devant la mort, et nous devons être le plus égaux possible dans la vie. C'était À voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Anne de Pelchin, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson. Un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Jean d'Ormesson, lue par Philippe Morier-Genoux dans un feuilleton réalisé par Baptiste Guiton. Pages arrachées à Jean d'Ormesson avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balul. Troisième partie, écrire, lire, travailler. De toutes les questions posées par la race meurtrière des biographes et des journalistes, en quête, hélas toujours vaine, d'une originalité impossible, il en est une qui revient avec une régularité de métronome. Qu'aviez-vous envie de faire plus tard, quand vous étiez enfant ? Ce que je voulais faire. Je m'en souviens très clairement, avec une troublante précision. C'était rien. J'avais envie de vivre et qu'on me fichât la paix. La vie me plaisait à la folie, mais je ne savais pas comment la prendre. Je n'aspirais pas comme les autres à devenir pompier, infirmier, militaire, banquier. Je ne tenais pas à être bon, je ne tenais pas à être mauvais. Le pouvoir ne m'attirait pas, les honneurs non plus. Faire fortune, pas davantage. Les choses m'étaient un peu égales. Je voulais voir passer le temps dans une indifférence passionnée. Voilà le seul signe annonciateur de ma future vocation. J'avais en attendant un désir irrésistible de ne rien faire du tout. L'idée d'écrire des livres ne m'avait jamais effleuré avant de me mettre à en écrire. Plus pascalien que nature, ce que j'aimais surtout, c'était de rester immobile, dans ma chambre, loin de tout divertissement. Peut-être un livre entre les mains, écrit bien sûr par un autre, et de rêver à des choses inutiles. Ce n'était pas, je crois, que je fusse plus paresseux que les autres enfants de mon âge. Il y avait au contraire en moi un mécanisme obscur et franchement déplaisant qui luttait contre ma nonchalance naturelle et me poussait à travailler plutôt plus que mes petits camarades. La clé de l'affaire était que la seule idée d'embrasser, comme il disait, une carrière suffisait à me faire horreur. Suivre une voie plutôt qu'une autre, devenir préfet ou chimiste, m'installer dans un bureau ou devant un établi m'était insupportable. Tout choix me semblait un suicide. J'aurais voulu flotter au-dessus du monde et laisser ouvertes toutes les portes qui menaient vers l'avenir. C'était, je le savais bien, une mauvaise solution. Il aurait fallu me limiter, me jeter dans l'action, prendre un chemin, presque au hasard, à la limite n'importe lequel, et poursuivre jusqu'au bout avec résolution. C'était comme ça, paraît-il, qu'on devenait un homme. Avais-je envie de faire ce qu'il fallait pour devenir un homme? De prendre un état, selon la formule de l'époque, et de renoncer à tous les autres? Un tel courage aveugle était au-dessus de mes forces. Tout me paraissait possible. Rien ne me paraissait nécessaire. Rien ne me tentait plus que le reste. De temps en temps, je me voyais en chirurgien, en cardinal, en chef d'orchestre. Mais les leçons de piano que je devais à ma mère s'achevaient toujours dans les drames. Le moindre son répandu me mettait au bord de l'évanouissement, et dès l'âge le plus tendre, le bien et le mal faisaient dans ma pauvre tête, qui n'était bonne à rien et à peine à rêver, un raffut de tous les diables. Le droit, l'administration, les affaires, la finance, il n'en était pas question. Il y a des limites à l'ennui. Gagner ma vie me révulsait. Peut-être aurais-je pu devenir cambrioleur ou comédien. Mes lectures favorites, Les aventures d'Arsène Lupin, Le Capitaine Fracasse, Cyrano de Bergerac, L'île au trésor et Jusqu'au pied nickelé m'y invitaient plutôt. Mais ce qui me plaisait surtout, c'était d'en savoir plus sur le monde. Je connaissais un peu la mer, j'aimais déjà beaucoup le soleil. Mes rêves oscillaient entre presque rien et presque tout. Et ils étaient si flous que le jour allait venir où je ne pourrais rien faire d'autre pour tenter de retrouver un peu de réalité que de me mettre à écrire. Le monde se déroulait toujours autour de nous, sans que nous ayons à le toucher, ni du coup à le comprendre. C'était parce que nous ne travaillions pas que nous ne le comprenions plus. Les cycles de l'argent, l'évolution des idées, les progrès de la technique, c'était l'affaire des autres, ce n'était pas la nôtre. Nous ne nous occupions de rien. Comme nous étions charmants, nous étions des incapables. Le matin, en m'éveillant, c'était d'abord au son que j'apprenais le ciel, sa couleur, son humeur, qui tout au long de la journée serait aussi la mienne. J'écoutais le soleil, il était déjà haut et chaud. Il s'y mêlait une rumeur que j'entends encore en écrivant ces lignes, toutes faites de silence, d'eau qui coule quelque part sur les fleurs et les gazons, de râteaux et d'abeilles. Je fermais les yeux, c'était le bonheur. Le roi, la république, la patrie et les francs-maçons, la guerre, l'argent, les mœurs, tout s'évanouissait de ce qui meublait notre monde. Il ne restait que le bonheur dans la pureté de l'instant. J'entendais des pas, un cheval qui passait, la voix de mon grand-père en train de parler au jardinier. Je ne distinguais pas les mots, mais leur murmure. Très calme et lent, parvenait jusqu'à moi. Je savais qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de maintenir ce qui était. Les murs, les arbres, les habitudes, la nature. Il n'était pas question de construire ni d'abattre, de modifier, de changer. Il n'était question que de conserver, de sauver, de préserver. Le matin dans ma chambre, à l'affût de ce jour inouï, en train de monter dans le ciel immuable. J'entendais mon grand-père donner des ordres, toujours les mêmes, aux serviteurs fournis par Dieu, pour que la journée nouvelle soit semblable aux anciennes. Je regardais par la fenêtre, à travers les volets. Le soleil et l'ombre alternaient selon des lignes régulières, toujours pareilles à elles-mêmes. Tout ce qui se modifiait au long des jours ou des saisons, l'ombre des tours, les feuilles des arbres, les fleurs dans les vasques et dans les parterres, n'étaient en vérité qu'une autre image de l'éternité, et peut-être la plus vraie. L'ombre s'en allait, mais revenait. Les fleurs tombaient, mais repoussaient. Les fleurs disparaissaient, mais c'était pour reparaître. Nous aimions ces cycles qui revenaient sur eux-mêmes et où l'instabilité apparente n'avait pas d'autre but que l'immobilité. Notre tâche était claire dans ce monde menacé. Elle consistait d'abord, qu'il s'agisse de forêts ou de politique, de famille ou d'argent, de vêtements ou de voyages, à lutter contre le changement. Nous n'avions qu'un ennemi, c'était le temps. Le bonheur que j'éprouvais à guetter le soleil en train de monter sur le monde était très calme et un peu triste. Il était très calme parce que l'histoire, le hasard de ma naissance, ma famille, mon grand-père, m'avaient fait un cadeau merveilleux et terrible. Il m'avait donné la sécurité. Notre sécurité à nous n'avait rien à voir avec l'argent. Il faut bien reconnaître qu'elle n'avait rien à voir non plus avec le mérite et le talent. Et c'était une chance, puisque j'ai déjà expliqué que nous n'avions aucun talent et que, à force de ne pas entrer dans notre système, le mérite expulsé nous apparaissait non seulement comme inutile, mais encore, le plus souvent, comme indiscret et un peu louche. Notre sécurité n'était rien d'autre qu'une idée. Ce bonheur si calme, cette inébranlable certitude était pourtant un peu triste. Lorsque je me réveillais le matin, personne ne me disait comme son valet de chambre à l'autre Saint-Simon. « Levez-vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses à faire. » À quelles grandes aventures aurions-nous pu rêver, puisque nos ancêtres et Dieu s'étaient chargés de tout. Nous n'avions qu'une chose à faire, troubler le moins possible ce qu'il restait des anciens temps. À peine si nous osions lire, parler, respirer, écouter. Il fallait ne pas bouger, ne toucher à rien, se boucher les oreilles et les yeux, veiller de tous côtés à la sainte immobilité du vrai, du beau et du bien. Voici en deux mots ce qu'était notre vie à Plessis les Vaudreuil. Une discipline de fer pour apprendre surtout à ne rien faire, ni du monde, ni de l'avenir, ni de nous. Le rêve, exprimé par tous les préceptes qui se passaient de génération en génération, comme un sacré héritage, était qu'il ne nous arrive rien. Entendez, à la fois rien de mal et rien du tout. Les livres montaient à l'assaut de nos vieilles croyances et de nos habitudes. Ils se détruisaient les uns les autres, et ils nous détruisaient aussi. Ils passaient leur temps à dénoncer l'insignifiance ou l'imbécilité de tout ce qui nous était le plus cher. L'ordre, l'immobilité, le silence, la foi aveugle, ils étaient autant de machines de guerre contre notre système inexprimé. Ils parlaient et ils accumulaient contre nous tous les béliers de la critique, tous les tours de la fureur, toutes les mines et les sapes de la satire et du ridicule. Ils ravageaient nos vieilles terres, nos églises muettes, nos palais et nos musées, nos châteaux et nos cloîtres. À la liste des ennemis de la famille, qui comptait déjà parmi eux Galilée, Darwin, Karl Marx et le docteur Freud, il fallait ajouter Gutenberg. Il avait fait parler le silence. Quand nous regrettions le passé, c'était au silence que nous pensions d'abord. Nous avions beau nous presser les mains sur les oreilles, cette rumeur du monde qui nous venait de partout, des livres, des journaux, des moteurs, des machines, jusque dans le ciel, et de ce que nous appelions la TSF et le cinématographe, en attendant la télé, nous faisait tourner la tête. Nous étions de vieilles bêtes harcelées par le bruit. C'était le fracas d'un monde en train de s'engloutir, d'un autre en train de naître et de nous écraser. Nos ennemis disaient que nous étions sourds à la marée montante de la science et du progrès. Et nous aurions voulu l'être. Ils disaient que nous étions aveugles aux changements autour de nous de cet univers trop ancien. Et nous aurions voulu l'être. Sourds et aveugles. Ce que nous apprenaient surtout les livres, et il n'y avait rien de plus simple, c'est que nous n'étions plus seuls. Les livres ne faisaient rien d'autre que de briser nos lunettes magiques et de ressusciter miraculeusement les voix des autres et leurs regards. La masse des hommes pendant longtemps avait appartenu à notre histoire. Ils la meublaient, ils y faisaient nombre, comme les femmes et les cadets au sein même de la famille, ils obéissaient à nos ordres. Voilà que nous appartenions à notre tour à l'histoire des esclaves, des pauvres, des rebelles qui luttaient contre nous, à l'histoire du grand nombre. Le talent, la passion, l'amour de l'humanité, de ses faiblesses, de ses espérances... Une autre victoire que la nôtre surgissait sous nos yeux dans les pages que nous dévorions. Il y avait le marquis de La Mole, mais il y avait Julien Sorel. Il y avait le comte Mosca, mais il y avait Fabrice. Il y avait Alma Viva, mais il y avait Figaro. Il y avait le prince André, mais il y avait la terre russe. Il y avait le roi, mais il y avait aussi le peuple. Nous découvrions avec stupéfaction que les autres nous regardaient, et pas seulement pour nous admirer, et qu'ils nous jugeaient comme nous les jugions. Ce que nous révélaient les livres, c'était que nous avions à passer, nous aussi, devant les tribunaux de l'histoire, que malgré 93, et malgré l'affaire Dreyfus, et malgré les journées d'octobre, nous nous imaginions encore en train de présider. Une effrayante alchimie se déroulait tous les jours, dans ces étés de l'après-guerre, sous les toits du château, où de jeunes apprentis étudiaient tard dans la nuit, à la lueur des lampes qui n'éclairaient guère mieux que les chandelles des vieux contes. Mais ce n'était plus comme dans les contes, pour grimper les échelons solitaires et glacés de l'ascension sociale. C'était pour aller vers les autres, vers un peu plus d'amitié, vers un peu plus de vie et de passion. Oui, je sais, j'écris toujours la même chose. Je préfère me répéter à me contredire, comme l'ont fait avec un sérieux imperturbable tant de grands esprits autour de nous. Je n'écris ni du Sartre, ni du Duras, ni du Lacan. J'écrirais plutôt contre eux, ni hélas, du Gide, du Toulet, de l'Aragon. J'écris ce que je suis, et j'écris ce que je sais. Et je sais que si je suis ce que je suis, c'est d'abord à mes parents et à mes maîtres que je le dois. Je n'en finirai jamais de leur dire ma gratitude et de chanter leurs louanges. Je le sais aussi. Des sentiments comme ceux-là, il faut être gonflé pour en parler en public. Ces ringards, ces vieux jeux, ça ne se fait plus du tout dans la littérature vivante d'aujourd'hui. La littérature vivante d'aujourd'hui, qui m'a si souvent emmerdé, avec son sérieux implacable et son pédantisme expérimental et toujours avorté, je lui rends bien volontiers la monnaie de sa pièce et je l'envoie se faire foutre avec beaucoup de gaieté. Je ne sais pas si je serai encore vivant demain, mais je suis sûr que la littérature vivante d'aujourd'hui, qui, avec son intolérance de donneuse de leçons et ses fanfaronnades de mauvais sentiments, est l'exact pendant inversé et beaucoup plus prétentieux de la crétinerie des pompiers de la peinture et de la littérature de la fin du XIXe siècle, sera morte avant moi, si elle n'est pas déjà morte. C'est vrai, j'ai beaucoup parlé de mon père, janséniste, inflexible, tolérant, ardemment républicain, en dépit ou à cause de ses guêtres et de son col dur. De ma mère, catholique et romaine, élevée dans les chasses à cour, héritière de Jacques Cœur et de la grande mademoiselle, de mes maîtres successifs, pour la plupart communistes, je vous ai peut-être rasé avec eux. Je n'y reviendrai ici que pour les remercier encore et toujours. Les remercier de quoi ? De m'avoir imprimé dans l'esprit que, puisque je voulais ne rien faire, il me fallait travailler. La première réponse à la question posée par ce livre « Qu'ai-je donc fait ?» est que j'ai travaillé. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, a été le refrain de mon enfance heureuse, insouciante et paresseuse. Travailler à quoi ? À regarder le monde, à le comprendre, à essayer de l'aimer. Le fond ne manquait pas. J'ai pris le pli très tôt. Je lisais tout ce qui me tombait sous les yeux. Les pieds nickelés, les prospectus, les modes d'emploi, les ordonnances médicales, les affiches sur les murs, Arsène Lupin. Plus tard, L'île au trésor, Le bon Dumas, les merveilleuses chroniques italiennes de Stendhal, les contes drôlatiques de Balzac, Maupassant et Flaubert, Rabelais, Ronsard, Corneille et Racine, Gide et Peggy, dont le piétinement m'enchantait, Proust, Hemingway et Le paysan de Paris. J'aimais savoir, j'aimais apprendre. Conseil à un jeune écrivain. Ne gâche pas ton temps. en apparence si lent, si long, inépuisable, sans fond. Le temps passe très vite. Un jour, tu te retournes et tu découvres qu'il n'y en a plus. Ne t'occupe pas trop de la vie littéraire. Lis des livres et écris-en. Chacun est ce qu'il mange, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il respire. Un écrivain est ce qu'il lit. Ne lis pas n'importe quoi, lis plutôt les grands livres dont tout le monde parle sans les lire. Lis surtout ce qui te plaît. Un bon livre est un livre qui te plaît. Et si tu as mauvais goût en lisant ou en écrivant, c'est que tu n'es pas fait pour la littérature. Tu as le droit de te moquer de la littérature et des littérateurs, le devoir. La mode est un des moteurs de la littérature et elle est son pire ennemi. Les espérances sont comme les femmes. Les plus belles ne sont pas plus inaccessibles que les autres. Mieux vaut viser Rimbaud ou La Bruyère et rester loin derrière que viser Bordeaux ou Feuillet ou Sartre ou Eugène Sue et risquer de les atteindre. Qu'est-ce que la littérature ? Est la question que se posent ceux qui ne l'aiment pas beaucoup. Il n'est pas interdit d'aimer, et même à la folie, ces deux vers tout simples et apparemment plutôt plats de Musset. Il se fit tout à coup le plus profond silence quand Georgina Smolène se leva pour chanter. Personne ne sait qui était Georgina Smolène, mais on la voit. Il y a à travers le monde un club des amis de Georgina Smolène. Il n'a pas de réalité, mais il existe. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est de cette vieille et géniale baderne de Boileau. Un écrivain véritable ne trouve pas ces mots. Alors il les cherche et il trouve mieux. C'est de Valérie. Nous sommes dans l'obscurité, nous faisons ce que nous pouvons, le reste est la folie de l'art. Ça, c'est de Henry James, cité par Truman Capote. Tu pourras le citer à ton tour. Ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat. Qu'ai-je aimé dans cette vie que j'aurais tant aimé ? C'est une question que chacun de nous, à moins de se résigner à passer pour un veau, doit bien finir par se poser. Il y a dans toute existence au moins deux interrogations auxquelles se mêle un peu d'angoisse. L'une au début, que faire ? Elle m'a tourmenté jusqu'aux larmes. L'autre à la fin, qu'ai-je donc fait ? Un de mes oncles lointains avait répondu sur son lit de mort à cette dernière question en murmurant à mon grand-père, capitaine de cavalerie, qui se tenait à son chevet, « Jacques, j'ai bien mangé. » Et il était parti pour toujours. J'ai souvent cité la réponse de Gaston Gallimard, l'éditeur de Gide, de Proust, de Valéry, de Claudel, d'Aragon, de Céline. « Les bains de mer... » Les femmes, les livres. Je la prendrai volontiers et dans l'ordre à mon compte. C'était Pages arrachées à Jean d'Ormesson avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balule. Troisième partie, écrire, lire, travailler. Extrait de « C'était bien » et de « Au plaisir de Dieu » paru aux éditions Gallimard et de « Qu'ai-je donc fait ?» paru aux éditions Robert Laffont. Musique originale, Sébastien Quincé. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Martin Delafosse. Assistant à la réalisation,